the trouble of my mind. I want to tell anything I can find to be a day with her in summer time. I want to say the trouble of my mind. The ravens flaving around, her body shredded to the hell. Le bleu d'Annie a troublé une année. Le bleu d'Annie m'a fait tout. Le bleu d'Annie a failli tout casser. Le bleu d'Annie avait tout emporté. Mes cravates aussi s'ennuient, et moi je m'ennuie d'Annie. Annie didn't say that out of girls. Annie preferred to kissing Jack. She didn't want to coming back. I'm just saying there is a lie. And it didn't say that now to ghost. And it preferred to kissing Jack. She didn't want to coming back. I'm just saying there is a lie. And it didn't say that now to ghost. And it preferred to kissing Jack. She didn't want to coming back. I'm just saying there is a lie. Didn't say that now to ghost. And he referred to kissing Jack. She didn't want to coming back. I'm just saying there is a lack. Le bleu d'Annie dans mon lit. Le bleu d'Annie dans mon lit. Le bleu d'Annie dans mon lit. Le bleu d'Annie dans mon lit. Le bleu d'Annie dans mon lit. Le bleu d'Annie dans mon lit. Le bleu d'Annie dans mon lit. Le bleu d'Annie dans mon lit. Le bleu d'Annie dans mon lit. Le bleu d'Annie dans mon lit. Le bleu d'Annie dans mon lit. Le bleu d'Annie dans mon lit. Le bleu d'Annie dans mon lit. Le bleu d'Annie dans mon lit.